بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 85 dans l'explication de يعني قرات عيون الموحدين, qui est le شرح du كتاب التوحيد du شيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, le petit-fils du شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc, on est toujours dans le chapitre Babun ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Babun ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Et on est arrivé maintenant à une des narrations que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a cité dans son charh. Donc, il explique, قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم, أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام, يا داود أما وعزتي وجلالي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي أو عبد من عبيدي دون خلقي, أعرف ذلك من نيته, فتكيده السماوات السبع ومن فيهن, والأراضون السبع ومن فيهن, إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني, أعرف ذلك من نيته, إلا قطعت أسباب السماء من يده. وأسخطت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى, ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبر. Donc ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il a cité une narration rapportée par l'imam Ahmad. Et il l'a rapporté avec sa chaîne de transmission de Ata. Il mentionne jusqu'à Ata. Il dit, j'ai rencontré Wahm ibn Munabbih qui faisait At-Tawaf. Et je lui ai dit, donne-moi un hadith que tu as mémorisé. Hein, ou bien donne-moi un hadith que je vais mémoriser de toi dans ce lieu, hein, à cet endroit. Alors qu'il était en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Et il a dit oui. Allah Azza wa Jal a révélé à Daoud, ô Daoud, hein, par ma puissance, par ma majesté et ma grandeur, aucun de mes serviteurs, parmi mes serviteurs, ne va chercher la protection en moi, en dehors de mes créatures, et je sais cela de son intention. Alors même si les sept cieux et ce qu'il y a à l'intérieur, et les sept terres et ce qu'il y a dessus essaient de comploter contre lui, excepté que, hein, il trouvera parmi elles une issue. Hein, et une délivrance et une issue. Il dit, et par ma puissance et ma grandeur, quiconque de mes serviteurs, parmi mes serviteurs, cherche protection en une créature en dehors de moi, et je sais cela de son intention, excepté que je couperai toutes les causes d'aide hein, qu'il y a dans les cieux de sa main. Et je ferai en sorte que la terre sera en colère contre lui en dessous de ses deux pieds. Et ensuite, Yanni, je n'ai aucun intérêt à savoir dans quelle vallée il va périr. Donc ça, c'est une narration qui a été rapportée, attribuée à, hein, ou bien qui a été mentionnée comme étant une narration de ce que Allah a révélé au prophète Daoud alayhi salam. Et à la fin, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, et il y a un verset dans le Coran qui témoigne de la signification de cette parole, et il a cité le verset 31 dans Surat Al-Hajj. Verset 31 dans Sourate Al-Hajj, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et quiconque fait le shirk avec Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et qu'il se faisait happer par les oiseaux ou qu'un vent très fort le précipitait dans un abîme profond. » Donc ça, c'est l'exemple ici qui est mentionné dans cette narration. Puisque la narration en question, elle clarifie que peu importe la créature, hein, tu ne dois pas mettre ta confiance en elle ou chercher la protection de cette créature, mais tu dois plutôt chercher la protection d'Allah Azza wa Jal. Et si tu cherches ta protection en Allah et tu demandes à Allah sa protection, peu importe les créatures qui peuvent exister dans l'univers, même si elles se mettaient toutes ensemble contre toi pour te faire un tort quelconque, et que Allah Azza wa Jal te protège, il te donnera une issue, et elles ne pourront rien te faire. Tandis que si tu cherches la protection des créatures en dehors d'Allah, eh bien même si toutes les créatures pouvaient essayer de te protéger, eh bien Allah Azza wa Jal, il coupera toutes les causes par lesquelles tu pourrais être secouru, et il fait en sorte que la terre qui est sous tes pieds hein, se fâche et est en colère avec toi. Et donc, peu importe qu'est-ce que tu fais, Allah Azza wa Jal, il n'a aucun intérêt à savoir ce qui t'arrive par la suite ou dans quel endroit tu vas périr. Et le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à ce sujet-là. Et il dit, وَهَذَا مِصْدَاقُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. Donc il cite trois versets dans sourate At-Talaq dans lesquels Allah Azza wa Jal il dit dans le verset 2 et dans le verset 3 et dans le verset 4 quiconque se préserve d'Allah alors Allah Azza wa Jal lui donne une issue. Et dans l'autre partie du verset, Allah Azza wa Jal, il dit, et quiconque met sa confiance en Allah, alors Allah Azza wa Jal lui suffit. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie, et quiconque se préserve d'Allah, Allah va lui mettre de la facilité dans ses affaires. Yani, yaj'al lahu min amrihi yusra. Et al-yusr, c'est la facilité. Donc ensuite, le Cheikh il dit également, par rapport à cette narration-là, que quand Allah Azza wa Jal il dit au prophète Daoud, alayhi salam, si quelqu'un cherche une protection, en une des créatures, parmi les créatures, il dit, et je sais cela de son intention, excepté que je vais couper toutes les causes qu'il y a dans les cieux de sa main. Et je vais faire en sorte que la terre qui est sous ses pieds soit en colère contre lui. Donc, ça veut dire, comme le Cheikh Al-Fawzan, il explique que ça, c'est équivalent à la narration qui est mentionnée dans ce chapitre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man ta'allaqa shay'an wukkila ilayhi » C'est comme si en voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Quiconque accroche une amulette ou un talisman ou quelque chose, hein, et qu'il met sa confiance en cette chose-là, et qu'il accroche son cœur à cette chose, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cette chose. Cette chose-là devient garant de lui, et Allah Azza wa Jal, lui, il l'abandonne. Et donc, c'est ici la même signification lorsqu'il dit « Illa quti'at asbabu sama'i min yadih » Toutes les causes des cieux seront coupées de sa main. Et il dit ensuite, dans l'explication par rapport au verset 31 dans Surat Al-Hajj, le Cheikh Al-Fawzan, il dit « Wa huwa » أن التوحيد صعود وعلو وارتفاع والشرك هبوط وسفول والعياذ بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط ثم لا يدري من أي مكان يسقط كذلك المشرك والعياذ بالله ليس له قرار بخلاف الموحد فإنه يكون في صعود وارتفاع وطمأنينة وعزة. Donc le cheikh il explique et il dit que le tawhid c'est une élévation et c'est le fait de s'élever, hein, de monter, de s'élever. Hein, donc c'est d'aller vers le haut. Tandis que le shirk, eh bien c'est une chute, hein, c'est une descente. C'est un rabaissement, wal'iyadhu billah. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit, et quiconque fait le shirk avec Allah, eh bien c'est comme si, yani, il tombait, hein, du ciel. C'est comme s'il était en train de, yani, de tomber du ciel. Donc ça c'est la preuve que le shirk, hein, la personne, elle tombe quand elle fait le shirk. Elle tombe de haut. Et elle n'a aucune base, aucun fondement, aucune fondation sur laquelle elle peut se tenir pour s'empêcher de tomber. Donc le mushrik, c'est exactement ça. Il n'a pas de base. Il n'y a rien qui le retient. Contrairement à celui qui est sur le tawhid, celui qui est sur le tawhid, il s'élève vers le haut, il monte, et il est en pleine et en totale et en tranquillité dans son cœur. Et le cheikh il explique ensuite une autre narration, il dit wa qawluhu wa rawa al-imam Ahmad an Ruwayfi' qal قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Donc ici, c'est une narration qui est mentionnée dans ce chapitre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à Ruwayfi'. Et ça, c'est rapporté selon l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et il explique ici, le cheikh, que donc, Ruwayfi', il a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ruwayfi', ou bien plutôt le Ruwayfi' qui dit, le messager d'Allah m'a dit, ô Ruwayfi', il se peut que la vie soit longue pour toi. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal prolonge ta vie. Alors, informe les gens que quiconque, yani, fait des nœuds dans sa barbe, et on va expliquer les détails de qu'est-ce que ça signifie ça. Hein? Quiconque fait des nœuds dans sa barbe ou accroche une corde ou se nettoie après avoir fait ses besoins en utilisant hein, des crottes d'animaux ou des ossements, alors que, ça, qu'il sache que Muhammad, c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est innocent de lui. Hein, il se désavoue de lui. Alors, le cheikh Al-Fawzan, il explique par rapport à ce hadith-là. Il dit, « هذا حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له لعل الحياة تطول بك وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر أن رويفع ستطول به الحياة وقد طالت به الحياة وعمره رضي الله عنه فأخبر الناس أن من عقد لحيته هذا فعل الأعاجم يعقدون لحاهم وقيل يعقدونها عند الحروب من باب التشبه وقيل يعني عقد لحيته يعني جعدها وصار يهتم بكدها وتحسينها لأن هذا يدل على الترف وهذا أيضا من فعل الأعاجم أو تقلد وترا وهذا محل الشاهد من الحديث يعني جعل عليه قلادة من وتر من وتر أو من غيرها يتقي بها العين أو استجمر برجيع دابة يعني يراد به روث الدواب لا يجوز الاستجمار به من الخارج وإنما يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها من الطاهرات أو بعظم كذلك العظم لا يجوز الاستجمار به هذان ممنوعان الروث والعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر لأن الذنب إذا ختم بهذا الوعيد يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا دليل على أن الغش كبيرة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كل هذا إذا ختم الذنب بالبراءة فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب فدل على أن هذه الأمور كبيرة من كبائر الذنوب لأنها إما شرك وهو تعليق الوتر وإما معصية مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عقد اللحية تشبها بالكفار وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفي رواية ليس منا من تشبه بغيرنا والاستجمار برجيع الدابة أو العظم يعني منهي عنه في أحاديث صحاح فلا يجوز الاستجمار بهاتين المادتين ومن استجمر بهما فإنهما لا يعني يطهران فإنهما لا يطهران. Donc ici le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan حفظه الله, que le hadith de Ruwayfi', le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, il se peut que la vie soit longue, hein, que Allah prolonge ta vie. Et effectivement ça fait partie des miracles du prophète صلى الله عليه وسلم, puisque Ruwayfi' a effectivement eu une longue vie par la suite. Et il a dit donc que tu dois donc informer les gens que quiconque fait des nœuds dans sa barbe ou attache sa barbe, hein, comme le font les non-musulmans, hein, qui font des nœuds dans leur barbe ou qui entretiennent leur barbe d'une manière excessive ou exagérée, Il dit, par exemple, certains d'entre eux, lorsque c'était la guerre, ils faisaient des nœuds dans leur barbe. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit de ne pas le faire, pour ne pas imiter les kuffars et les mushrikin. Et donc, il dit, il y en a d'autres également, dans le sens que, ils faisaient des nœuds en voulant dire qu'ils laissaient leur, ils entretenaient leur barbe, ils les embellissaient et ils les entretenaient d'une manière exagérée pour indiquer leur extravagance, pour montrer leur extravagance. Un peu comme faisaient également les kuffars et les mushrikins. Ou bien quiconque également accroche une corde d'arc, autour de son cou, ou bien quelque part sur son corps. Et ça, on l'a expliqué déjà, quiconque accroche un collier ou une corde ou un bracelet ou quelque chose de ce genre pour se protéger du mauvais œil ou pour se protéger du sihr ou des mauvais sorts, tout ça, ça rentre dans ce qui est interdit. Ou bien qui se nettoie après avoir fait ses besoins en utilisant des crottes d'animaux. Donc ça, c'est interdit. C'est pas permis de se nettoyer ou d'enlever les impuretés après avoir fait ses besoins en utilisant ce genre de choses. Il faut utiliser à la place, si on n'a pas de papier, si on est dans la nature, par exemple, qu'on est dehors, on utilise quoi à la place? On utilise des pierres, on utilise, ce qui est disponible, mais on va pas utiliser des excréments d'animaux séchés ou bien des ossements. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné justement que ces deux choses-là sont parmi la nourriture des djinns. Donc ça, c'est un exemple aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque fait ces choses-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis innocent d'eux, c'est-à-dire je me désavoue d'eux. Ça, c'est la preuve que ça fait partie des grands péchés de faire ces choses-là. Il dit que parmi les exemples de ce qui est mentionné comme étant un péché dans l'islam, lorsque la chose en question est interdite et que à la fin de cette interdiction, il y a une menace qui est attachée à l'interdiction, eh bien ça, c'est la preuve que ça fait partie des grands péchés, des péchés capitaux. Comme par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man rashana falaysa minna » ou « Man rasha falaysa minna » c'est-à-dire celui qui nous trompe ou qui nous triche, il n'est pas des nôtres. C'est la preuve que ça fait partie des grands péchés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith également que celui qui se frappe les joues et qui déchire ses vêtements et qui appelle à l'appel de la jahiliya, de l'ignorance pré-islamique, le tribalisme et toutes sortes d'autres choses de ce genre, alors il n'est pas des nôtres. Et donc, tout ça, c'est des exemples qui montrent que ce péché-là fait partie des grands péchés. Ces choses-là font partie des grands péchés parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laysa minna, il n'est pas des nôtres. Donc, il se désavoue de ceux qui font ça. Ça, c'est la preuve que ce péché-là, c'est parmi les grands péchés, parmi les kaba'ir. Et parmi ces grands péchés-là, il y en a qui sont des exemples de shirk, comme le fait d'accrocher une corde pour se préserver d'un mal ou d'un mauvais œil ou des choses de ce genre, ou également, ça fait partie des désobéissances dans le fait de contredire la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsqu'on a mentionné de faire les nœuds dans la barbe pour imiter les kuffars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans une narration, quiconque imite un peuple, il est un des leurs. Il est un des leurs. Et dans une autre narration, il n'est pas des nôtres, celui qui ressemble à d'autres que nous. Celui qui ressemble ou imite d'autres que nous, c'est-à-dire d'autres peuples qui sont kuffars et mushrikin. Et il dit ensuite, al-istijmar, le fait de se nettoyer après avoir fait nos besoins avec les excréments des animaux, ou bien les crottes des animaux, ou bien avec des ossements, Ça, c'est des choses interdites. Et ça, c'est pas permis. Yani, quand c'est fait avec ce genre de matière ou ce genre de choses, ça ne purifie pas. Le cheikh dit ça ne va pas purifier une personne si elle utilise ces choses-là. Effectivement, yani, c'est un petit peu dégoûtant quand on voit l'idée même de se nettoyer avec des excréments séchés d'animaux. Yani, comment quelqu'un pourrait utiliser ce genre de choses-là pour se purifier ou pour se nettoyer. Donc, en même temps, c'est comme... wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, en même temps, c'est clair que yani, ce genre de substance ou de matière, c'est pas les matières qu'on devrait utiliser pour se nettoyer ou pour se laver après avoir fait nos besoins. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça. Ensuite, le cheikh, il dit « وَرُوَيْفِعْ وَهُوَ إِبْنُ ثَابِتْ إِبْنُ السَّكَنْ إِبْنُ عَدِي إِبْنُ حَارِثَ الْأَنصَارِي نَزَلَ مِصْرْ وَوَلِيَ بَرْقَةً وَبُرْقَةً لَهُ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيثِ وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِي وُلِيَتْ طَرَابُلَسْ فَافْتَتَحَ أَفْرِيقِيَّةً سنة 47 وقال ابن يونس توفي ببرقة سنة 56 وقوله لعل الحياة تطول بك فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh explique que Rouaifi' c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on l'appelle Rouaifi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Adi Ibn Haritha al-Ansari. Il est par la suite parti s'installer en Égypte, puis il a été le gouverneur de la région de Burqa, qui est une ville dans le nord de l'Afrique. Ensuite, le cheikh il dit, il a rapporté en tout 8 hadiths. Et Abdul Ghani, un des ulama, a mentionné à son sujet que il a été également le gouverneur de Trablus, et il a été parmi les conquérants du nord de l'Afrique en l'an 47. Et Cheikh Al-Fawzan il dit yani Burqa hadi baldatun fil Maghrib wa Trablus musammaha al-an Libya. Donc il dit que Trablus, il s'agit en fait de la Libye. Et il dit wa yujad Trablus fi Sham wa Trablus fi Maghrib. Donc il y a une ville qui s'appelle Trablus qui est en Syrie au Liban et il y en a une autre également qui s'appelle Trablus qui est en Libye justement dans la région du Maghreb. Le Maghreb c'est le nord de l'Afrique. Donc c'est exactement cet endroit là la Libye. Ensuite, le cheikh, il dit que Ibn Yunus, radiyallahu anhu, il mentionne donc qu'il est mort dans la ville de Burqa dans l'année 56. Dans l'année 56, après la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Tu vas avoir une longue vie », eh bien, effectivement, il a vécu longtemps, hein, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait annoncé. Il dit ensuite le cheikh Abdurrahman ibn Hassan قوله فأخبر الناس قوله صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس أن من عقد لحيته قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفعلونها ويعقدونها وقال أبو السعادات تكبرا وعجبا وثانيهما أن معناها معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد انتهى كلامه قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعده. وفي حديث زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال صحيح، وفي الصحيح: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحاء. وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، فيتعين النهي عنه لذلك. Donc ici le cheikh il explique que يعني le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: informe les gens. Donc il dit à Rouaifi: informe les gens que quiconque fait des nœuds dans sa barbe ou attache sa barbe. Et Al-Khattab il explique que son interdiction d'attacher la barbe, elle est interprétée de deux façons. Premièrement, c'est ce que les kuffars faisaient dans la guerre. Ils attachaient leur barbe, ils faisaient des nœuds dans leur barbe. Il dit ça fait partie des modes que suivaient les kuffars, yani les mushrikines. Et il dit, Abu Sa'adat a expliqué que ça, il le faisait par fierté, par orgueil, par arrogance. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit: على كل حال لا يجوز هذا لأنه فيه تشبه بهم. Donc il dit: peu importe la raison pour laquelle il le faisait, yani c'est interdit de le faire puisque c'est une ressemblance aux mushrikin et aux kuffar. Et ensuite il dit, deuxième explication aussi de qu'est-ce que ça signifie de faire des nœuds dans la barbe, il explique que c'est-à-dire qu'il les traitait d'une manière pour qu'ils deviennent frisés ou bien qu'il commence à y avoir des boucles ou des nœuds dans leur barbe. Et ça, c'était comme une mode que ces kuffars faisaient. Ils faisaient leur barbe de cette façon pour la faire devenir frisée. Donc, le cheikh, il explique que ça fait partie des explications. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là: « وَهَذَا يَعْنِي دُهْنُهُ وَالْعِيَانَةُ بِاللِّحْيَةِ حَتَّى تَصِيرُ مُجَعَّدَةً لأن هذا يدل على الطرف فينبغي أن يعتدل في الأمور فلا يجعل لحيته مشوهة ولا يجعل لحيته طرف وإنما يتوسط في هذا الأمر وقيل إن المراد عقد لحيته العبث بها في أثناء الصلاة لأن هذا يدل على عدم خشوعه. الشيخ الفوزان explique que c'est-à-dire que certains, qu'est-ce qu'ils font, ils mettent de l'huile dans leur barbe, ils font beaucoup d'attention pour leur barbe jusqu'à ce qu'elle devienne frisée ou bouclée. Et il dit ça fait partie des exemples d'extravagance. Il donne donc trop d'importance à sa barbe et il dit qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qu'on doit faire plutôt, c'est d'être équilibré dans cette question-là. C'est-à-dire tu ne dois pas laisser ta barbe n'importe comment, sans t'en occuper du tout, et tu ne dois pas non plus devenir tomber dans l'excès et dans l'extravagance non plus. Donc tu dois être dans le juste milieu. Et il dit que d'autres ont expliqué également que d'attacher sa barbe, ça veut dire aussi de jouer avec pendant la salat. Donc il y en a, quand ils prient, peut-être que ils vont commencer à tourner leur barbe autour de leurs doigts puis commencer à jouer avec. Et il dit ça indique que la personne, elle n'est pas tellement concentrée dans sa prière quand elle fait ça. Ensuite, le cheikh, il explique que, qu'il dit, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit ça veut dire que ceux qui font ça, c'est comme s'ils font ça pour ressembler aux kuffars. Et il dit, il y en a d'autres qui le font aussi avec leur moustache. Donc il dit qu'est-ce qu'ils font, ils font tourner les bouts de leur moustache et puis ils mettent de l'huile puis ils s'occupent de leur moustache pour les faire tourner. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça c'est en tout temps, c'est pas expliqué spécifiquement à la salat, c'est seulement le cheikh qui a mentionné un exemple des significations par rapport à la salat, mais c'est même en dehors de la salat. Mais comme le cheikh il mentionne, il dit il y en a qui laissent pousser leurs moustaches sur les côtés, là, ils la font devenir très très longue sur les bords. Et même des fois, ça commence à tourner. Donc il dit le cheikh que ça, c'est pas correct. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il nous a appris de couper une partie de notre moustache. Et il dit dans le hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmad et An-Nasa'i et Tirmidhi, il n'est pas des nôtres celui qui enlève une partie de sa moustache. Il n'est pas des nôtres celui qui n'enlève pas une partie de sa moustache. Donc il faut enlever une partie de la moustache. C'est-à-dire qu'il faut la baisser. Hein? Il faut la baisser. Et pas la, non pas la raser, parce qu'il y en a qui rasent la barbe et ça c'est interdit. Donc il faut juste la diminuer pour que ça ne descende pas sur les lèvres, mais il ne faut pas la raser complètement. Je comprends ce que tu veux dire. Comme si elle est épaisse, mais elle ne dépasse pas la lèvre. Non, si tu peux la baisser également, hein, tu la baisses puis tu la coupes pour que ça ne dépasse pas les lèvres en même temps. Mais tu ne vas pas la raser complètement. Et le cheikh, il mentionne un autre exemple de hadith authentique à ce sujet-là. C'est le hadith qui dit « Khaliful mushrikin, u'fu shawarib, u'fu shawarib, wa'afu liha. » C'est-à-dire, contredisez les mushrikin ou bien distinguez-vous des mushrikin, coupez les moustaches et laissez pousser la barbe. Et le cheikh, il dit, ça indique l'obligation de laisser la barbe et de couper la moustache. Et Ibn Hazm, un des ulama de l'Andalousie, il a mentionné le consensus des ulama à ce sujet-là, que c'est obligatoire. Et donc, ça indique qu'il est interdit, yani, de faire ça, c'est-à-dire de couper la barbe ou de laisser pousser la moustache. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait donc quelques commentaires sur ce point-là. Il dit « Wa amma tatwilu sharib fa huwa haram, fa huwa muharram. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara bi ihfa' al-shawarib wa qassaha. Wa amma tatwilu ash-shawarib wa ja'laha sabalat fa hadha min fi'l al-juhal. Wa hadha mukhalifun lis-sunnah. فالشارب لا يترك يطول بل يعني يتعاهده بالقص والحف عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, il y a certaines personnes qui laissent pousser leur barbe très longue. Et le cheikh dit, ça c'est interdit. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a ordonné de couper la moustache. Mais il a donc de laisser pousser la moustache et de la laisser comme ça, sans la couper, il dit ça fait partie des actes des ignorants. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit c'est contraire à la sunna. Donc il dit la moustache, on ne doit pas la laisser pousser complètement. Il faut régulièrement la couper. Hein, il la diminuer. Selon la sunna. Et c'est bizarre qu'à notre époque, beaucoup d'arabes, et même parmi les non-arabes aussi on trouve ça, qui font le contraire de la sunna. C'est-à-dire, ils rasent la barbe puis ils laissent pousser la moustache. Hein? Alors que dans la sunna, c'est le contraire. De laisser pousser la barbe et de couper la moustache. C'est ça qui est ordonné. Et eux, ils font le contraire de ça. Ils laissent pousser la moustache et ils coupent la barbe. Subhanallah. Donc, le cheikh, il dit, ensuite, comme commentaire, il dit, « وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أن ترك الشارب يطول ويصبح سبالات يعني كبيرة من الكبائر لقوله فليس منا. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit dans le hadith, yani celui qui ne coupe pas une partie de sa moustache, il n'est pas des nôtres. Donc il dit le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ça, c'est la preuve que de ne pas couper une partie de sa moustache, de ne pas baisser la moustache, ça fait partie des grand péché parmi les grands péchés. Il dit à propos du hadith, "Ufu al-shawarib, yani la tatrukuha tatul, wa ufu al-liha, yani utrukuha, la tata'arradu laha binatfin, wala qassin, wala halqin, bal tatruku al-lihya wa tu'fa, tatruku al-lihya wa tu'fa, وفي رواية أرسل اللحى أرسل اللحى وفي حديث أرخو أرخو اللحى وفي رواية وأرجو إلى غير ذلك من الأمر بإعفاء اللحى وتركها وإرسالها وإرخائها وإكرامها وتوفيرها. يعني لكن حدث الآن العكس من كثير من الناس، وهي أنهم يعتنون بالشوارب ويحلقون اللحى أو يقصونها ويحاصرونها من جميع الجوانب، وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit donc que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit couper la moustache, c'est-à-dire laisser-la pas pousser. Et il dit laisser la barbe, c'est-à-dire laisser-la pousser, ne vous préoccupez pas de votre barbe, dans le sens ne vous la coupez pas, ni de l'arracher en tirant dessus, ni de la couper avec le ciseau, ni de la raser avec la lame. Laissez-la pousser, c'est-à-dire laissez-la libre. Et dans d'autres narrations, il y a d'autres termes qui sont employés, qu'il y a Urfo, Arsilo, Archo. Hein? Tous ces termes-là sont employés pour désigner ou impliquer de ne pas la toucher, de ne pas la raser, de ne pas la couper. Il dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est le contraire. Beaucoup de gens, ils s'occupent de leur moustache et ils la laissent pousser longue et ils rasent leur barbe ou ils coupent leur barbe. Il y en a qui vont couper la barbe ici, sur les côtés, et ils vont juste laisser juste un petit bout de la barbe, juste la barbichette, comme on dit. Le cheikh, il dit, tout ça, c'est contraire à la sunna. C'est contraire à la sunna, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une barbe qui était bien fournie, et il ne la rasait pas. Excepté si quelqu'un, si ça ne pousse pas, ça ne pousse pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé comme ça, c'est la création d'Allah. Mais si quelqu'un il a une barbe, il ne doit pas la toucher. Ça, c'est devenu quelque chose qui est devenu difficile pour certaines personnes à notre époque, alors que c'est la facilité. Tu n'as pas besoin d'acheter des rasoirs, tu n'as pas besoin d'acheter de la crème à barbe, tu n'as pas besoin de te regarder dans le miroir chaque jour, commencer à raser, à jouer avec. Tu la laisses, ça coûte moins cher, c'est moins de temps, c'est moins d'énergie, c'est moins de fatigue, et tu, en même temps, tu as ta barbe. Allah Azza wa Jal, il a créé la barbe comme un signe de virilité et de l'homme qui le distingue de la femme. Quand tu regardes les animaux, même chez les lions, tu vois, le lion, il a une grosse crinière. C'est ça qui le distingue de la femelle. Et comment on dit que le lion, c'est le roi des animaux, et on le reconnaît, le lion, comment ? Le mâle, parce qu'il a une grosse crinière. Tandis que la femelle, elle n'a pas de crinière. Et Allah Azza wa Jal, il t'a donné une belle barbe, il t'a créé comme ça. Toi, pourquoi tu vas aller la raser, hein? Parce que les acteurs et les koufars, ils rasent leur barbe, toi tu veux les ressembler? Et ça, c'est pas correct. Parce que notre modèle, notre exemple, c'est le messager d'Allah. C'est lui qu'on doit imiter, c'est à lui qu'on doit ressembler. Et c'est lui qu'on doit essayer de suivre. Et pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les messagers d'Allah que Allah a envoyés à l'humanité, ils avaient tous la barbe. Et il n'y en a aucun d'entre eux qui se rasait. Hein? Donc pourquoi nous, on va commencer à faire ça? Celui qui la rase, celui qui la rase, il a fait un péché. Il a fait un kaba'ir parmi les kaba'ir ad-dhunub. Et celui qui la coupe, qui la baisse, qui la rase pas, lui, il a un péché qui est moins grave. Parce que couper, c'est moins grave que raser. D'accord? Mais c'est quand même interdit. Beaucoup de gens, ils rapportent cette narration de Ibn Omar. Et puis, la plupart des gens qui se basent sur cette narration-là, de couper en dessous du poing, s'ils prennent leur barbe avec leur poing, tu vois que qu'est-ce qui sort en dessous, il n'y a rien. Et eux, ils ne coupent pas en dessous du poing, ils coupent en haut du poing, c'est-à-dire entre leur poing et la barbe. Parce que sinon, si tu prends ta barbe avec ta main, là, ton poing, qu'est-ce qui sort? Eux, il n'y a rien qui sort non plus. Ils vont couper quoi? Deux, trois poils? Hein? Et à la kulli hal, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la précédence sur les paroles d'un sahabi. Tu ne peux pas mettre la parole d'un sahabi au devant de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc même si c'était authentique, cette narration-là, hein, elle a été contredite par une parole qui est la parole du messager d'Allah. Donc on laisse tomber ça. Et on suit l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et yani, on a tout à gagner là-dedans. Parce qu'on aura des hasanats pour chaque poil de barbe qu'on laisse. Il y a des hasanats pour ça. Toi, tu l'enlèves, tu perds tout ça. Toute la grâce et le mérite qu'il y a dans ça. Subhanallah. Donc ça, c'est important. Et c'est devenu une fitna à notre époque. C'est devenu une vraie fitna. Parce que les koufars, ils essaient de faire peur aux gens avec ça. De faire croire aux gens que si tu as une barbe, tu es un extrémiste. Ou que tu es un terroriste. Hein? Et donc, les musulmans, ils ont peur à cause de ça. Ils disent, moi, je ne veux pas me faire associer avec les terroristes ou avec les extrémistes. Donc, ils se rasent. Alors qu'on sait très bien que ça, ce n'est pas une indication. La plupart des gens qui ont fait des actes terroristes, la plupart d'entre eux, ils étaient tous rasés. Et justement, même si ces Khawarij, quand ils vont faire des actes terroristes, ils font exprès de bien se raser et d'aller dans les discothèques et d'aller boire de l'alcool et de faire plein de haram pour pas que, justement, les koufars les soupçonnent. C'est devenu même parmi leurs ruses, hein, parmi leurs méthodes. Ils font tout le contraire de ce que font les musulmans, justement pour ne pas se faire remarquer. Puis, après, ils vont faire leurs actes terroristes. Nasallallahu ala afiyah. Tandis que les vrais musulmans pieux, qui s'accrochent à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils sont loin des actes terroristes. Ils ne font pas ce genre de choses-là. Alhamdulillah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته